s'accrocher en faux, mais on avait parié. À moi t'es accroché, tu peux plus lier. Entre nous y'a rien de sérieux, je vais pas la marier. Madame est sur mes côtes, je lui donne à consommer. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. Elle vient pour sa dose, dose, dose. Elle révèle que je la rose, rose, rose. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. T'ai donné mon cœur, je ne peux pas. Elle était prévenue dès le départ. Pourquoi tu penses à moi, il s'est fait tard. J'ai pas trop le temps pour qu'on se voit. Bébé, je suis comme tous ces salopards. Les sentiments, c'est pour les tocards. L'amour, si elle veut, on peut le faire. Mais elle en aura pas. Qui va s'accrocher en premier, on avait parié. À moi, t'es accroché, tu peux plus lier. Entre nous, y'a rien de sérieux, je vais pas la marier. Madame est sur mes côtes, je lui donne à consommer. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. Elle vient pour sa dose, dose, dose. Elle rêverait que je la rose, rose, rose. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. Mes sentiments sont vides, tu comprends pas. Malgré tout tes je t'aime, je n'oublie pas. Je t'avais prévenu dans tous les cas que tu finirais seul, que tu serais loin de moi. Mais t'as pas compris, là faut refaire ta vie. Mon bébé, désolé, laisse tomber. On ne fera plus la fête, beaucoup de projets en tête. Qui va s'accrocher en premier, on avait parié. À moi t'es accroché, tu peux plus nier. Entre nous y'a rien de sérieux, je vais pas la marier. Madame est sur mes côtes, je lui donne à consommer. Elle est venue prendre sa dose, dose, dose. Elle vient pour sa dose, dose, dose. Elle rêverait que je la rose, rose.